Ce jour-là, la chambre des lords devait siéger le soir. À cette séance des pairs, les interpellations de Gwynplaine sur l'arrogance des lords firent mouche, mais ceux-ci se rit de lui en le surnommant l'homme qui rit. Gwynplaine assista à l'effraction définitive de sa destinée par un éclat de rire. Ce qui était triomphe à la Green Box était chute et catastrophe à la chambre des lords. La chambre se sépara. Gwynplaine, tout à coup, eut une sorte de réveil. Il était seul.